Je ne pourrais regarder le monde sans ton regard. Besoin de tes yeux pour voir le soir. Je marcherai à tâtons. J'ai perdu mon bâton. Les mules avancent. C'est pas ma chance. Je ne pourrais penser le monde sans tes idées. M'aider à juger, me maîtriser. Je marcherai à tâtons. J'ai perdu mon bâton. Les mules avancent. C'est pas ma chance. On a tous besoin de quelqu'un pour oublier le mauvais matin. Je pourrais ravir le monde sans ton humour. Tes petits tours, magie d'amour. Je marcherai à tâtons. J'ai perdu mon bâton. Mais vu l'avance, c'est toi ma chance. On a tous besoin de quelqu'un pour oublier le mauvais matin. On a tous besoin de quelqu'un pour se sentir un peu quelqu'un. Je ne pourrais regarder le monde sans ton regard. Besoin de tes yeux pour voir le soir. Je marcherai à ta